C'est bon, j'ai du paracétamol. On est parti. Hop, paracétamol. Attention. 4.4. Circonstances d'énonciation. La manifestation linéaire est immédiatement mise en relation avec les circonstances d'énonciation. C'est justement l'immédiateté, entre guillemets, de ce raccord qui est la manière de notre réflexion. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le modèle de la figure 2 n'est pas strictement hiérarchisé. Dans le cas d'une énonciation verbale, il est assez évident qu'on réfère l'énoncé à celui qui l'énonce, et que, avant même de recourir aux règles linguistiques pour décider de ce que le locuteur est en train de dire, on reçoit de la circonstance d'énonciation des informations extra-linguistiques sur la nature de l'acte qu'il accomplit. J'ai rien compris. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires, je me présente, je m'appelle Thomas Munier, je ne suis pas un boomer, je ne suis pas un millénial, je ne sais pas ce que je suis en fait. Voilà, cette vidéo, elle est sponsorisée par l'Église de la Jeudrologie. Voilà, en fait, avec l'Église de la Jeudrologie, nous organisons des stages de théorie rôliste dans des chalets de montagne sans réseau. Voilà, pendant 2 semaines, pour élever ton taux de vibration narrative, tu pourras t'épanouir au sein d'un collectif qui pense le jeu en dehors du bocal. Voilà, si tu veux t'immerger dans une piscine de game design et connaître l'éveil, rejoins-nous. Il te suffit de reverser 20% de tes revenus mensuels à l'Église de Jeudrologie et te couper définitivement de ton entourage toxique non théoricien. Alors, pour redevenir un petit peu sérieux, voilà, qu'est-ce qu'on entend par là, aujourd'hui on va parler de théorie rôliste. Et mais ça mange quoi en hiver, la théorie rôliste? Qu'est-ce que c'est? Je vais te faire une petite définition, voilà, bricolée. Je dirais que c'est la théorie, c'est une réflexion sur les pratiques rôlistes et sur les game design. D'un côté, pratique. Donc jouer en fait, hein, jouer à des jeux, comment on joue, et de l'autre, game design, comment on crée des jeux, de quoi les jeux sont faits. Et en fait, la théorie va essayer de trouver des lois générales à l'ensemble du jeu de rôle, ou alors des lois qui sont valables pour une scène rôliste en particulier. On pourrait dire que chaque scène rôliste, en fait, a son propre corpus théorique, et ce qui est dit, ce qui est vrai pour une scène rôliste peut être faux pour une autre, quoi. On va souvent, des fois, entendre un petit peu sur les réseaux, oui, mais la théorie, ça sert à rien, c'est la pure masturbation intellectuelle, voilà, au revoir ma monétisation. C'est bien sûr ton droit le plus strict de ne pas vouloir faire de théorie, de ne pas vouloir en lire, et je pense que tu peux avoir bien du fun à faire du jeu de rôle sans faire de théorie, c'est évident. Et même à créer de jeux de rôle hein, sans faire de théorie, il n'y a pas de souci, bien sûr. Ceci dit, je suis en désaccord avec l'affirmation « la théorie ne sert à rien ». Je pense que si tu veux, si on prend la théorie dans son sens le plus large de on réfléchit à comment sont faits les jeux de rôle et comment on fait du jeu de rôle. Bah, je veux dire, je pense que la théorie, la réflexion, elle est à l'origine de bien des familles de jeux quoi, qui sont apparues parce qu'on s'est mis un petit peu à réfléchir, à prendre un petit peu de surplomb sur nos pratiques. Voilà, donc pour moi, ça génère des jeux, ça génère des pratiques, ça ne sert pas à rien, quoi. Alors, par où commencer si tu veux voilà, t'intéresser à la théorie? Eh bien, il y a plein de choses, il y a peut-être même un petit peu trop, tu me diras. Si tu vas sur le site Places to Go, People to Be, tu vas vraiment trouver la version française, en français. Oui, celle-là, je parle à la féminine universelle, donc c'est la version en française. Bon, bref, tu vas trouver plein d'articles sur Places to Go, People to Be. Je dirais que ça concerne, à quelques exceptions près, surtout le jeu de rôle traditionnel et le GN nordique. Mais tu vas aussi trouver les articles de la Forge, en fait, sur ce même site. Donc la forge, c'est eux qui ont dû un petit peu amener ce terme de théorie. Hein, mais bon, on réfléchissait au jeu de rôle sans parler de théorie avant eux et tout. C'est juste qu'ils ont amené ce terme-là de théorie. Tu vas entendre aussi jeu de rôlogie et tout, voilà. Et la forge, on va dire, elle a plutôt réfléchi à des jeux qui n'étaient pas traditionnels, justement, essayer de casser ce modèle-là et de partir sur autre chose. Hein. Il y a 20 ans, donc ça, c'est notamment ce qui a amené les jeux sans MJ, les Story Games, les jeux propulsés par Apocalypse et plein d'autres, voilà, sont un peu issus des réflexions de la Forge. Le Old School aussi a produit beaucoup de théories à sa façon. Hein, ils ont beaucoup réfléchi sur la façon dont on jouait, comment on peut faire pour jouer comme dans les années 70. Hein. Moi, j'aime beaucoup le blog Grognardia, où je pense que tu vas trouver pas mal de ressources. S'il est vraiment intéressant à lire. On a aussi c'est en anglais. On a aussi la théorie française, voilà, post-forge, yes, cocorico. Alors quand je dis post-forge, c'est parce que soit ça reprend un peu les idées de la forge et ça va les vulgariser et puis éventuellement construire dessus, ou ça va être différent de la forge, voire même en opposition à la forge. Tu vas avoir le blog Lapin Marteau, il y a plein d'articles super intéressants sur ce blog. Du bruit derrière par avance, c'est super intéressant. En plus, c'est drôle, c'est clairement le blog le plus humoristique de théorie que je connaisse. Même si, à la limite, tu peux dire quand tu veux, quand tu, si t'es, je sais pas si t'es abonné à la page Facebook Céréales Réalistes, mais l'heure même et tout, en fait, en disant, essaye, tu vois, en étant rigolo, mais de faire de la théorie, quoi. Quelque part, c'est un peu ce que j'essaie aussi de faire avec ces vidéos, quoi. Voilà, on réfléchit ensemble, mais en même temps on essaie de bien se marrer, quoi. Voilà, parce que l'histoire de casser cette idée, hein, la théorie, c'est sérieux et tout. Ouais, enfin bon, on vit qu'une fois, quoi. Hein. Voire électrogène, donc plus orienté GN, mais beaucoup de réflexions vraiment très très percutantes. Limbic Systems, le bloc de feu Frédéric Sintès, voilà, là on est vraiment dans la continuation de la forge. Mais c'est ça, à te retourner le cerveau si tu connais pas. Le podcast La Cellule, bien sûr. Altarid, Radurolist. Comme bloc, tu as aussi Ristretto Revenants, c'est le bloc de KF. Là, on part sur des réflexions là, pour des assez profondes. On parle de sémiologie, de Gérard Genette, de linguistique. Enfin, des fois, ça part fort loin, quoi. Enfin, un petit peu s'accrocher, quoi. C'est un peu, on va dire, le niveau 2, voire 3 de la théorie. Hein. Le café, tu as Nonobstant. Donc là, il y a des articles, des podcasts. Et au niveau forum, tu vas trouver le vieux forum Silent Grift. Alors, je t'aurais bien conseillé les données imaginaires, mais ils sont plus dispo. Je pense qu'ils sont c'est définitivement mort. Les archives sont cassées, quoi. Tu as le forum Les Courants Alternatifs, hein, donc, qui est archivé. Tu as toujours le Discord des Courants Alternatifs qui fonctionne. Enfin, je dis ça, ça se trouve à l'heure où tu vas voir cette vidéo, peut-être qu'on aura changé de nom et tout, je sais pas. Et bien sûr, il y a mon modeste blog. Hein. Et oui, voilà, c'était l'instant auto-promo, puisque bon, j'ai quand même fait pas mal de choses. Sur la théorie, j'ai essayé de vulgariser des notions, j'ai essayé aussi d'en bâtir d'autres. Donc voilà, si t'es sympa, s'il te plaît, lis mon blog. Personne ne lit. Personne ne lit mon blog. Personne ne regarde mes vidéos. Personne n'écoute mes podcasts. Ouah, s'il te plaît. Ok. Et je pense que la meilleure porte d'entrée, oui, je te parle à la fin, je suis comme ça, je suis déstructuré. La meilleure porte d'entrée, je pense, pour la théorie. Si vraiment tu veux commencer petit et progresser vraiment très vite pour devenir vite un hunter de la théorie, c'est le wiki Nonobstant. Donc, le wiki Nonobstant, c'est un wiki, en fait, de la théorie rôliste que j'aime beaucoup. J'essaie d'y contribuer pas mal. Et donc, bah, tu as plein de définitions, de termes rôlistes, un petit peu de jargon. Et en fait, si tu veux, le jargon, c'est une porte d'entrée vers la réflexion. C'est-à-dire, tu vois un terme de jargon, tu dis, mais pourquoi ils ont voulu donner un nom barbare à un truc? Et tu vas regarder qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, généralement, ça va t'ouvrir des portes de réflexion. Dire, ah oui, ok, en fait, ça regroupe cette notion. Cette notion, c'est des trucs que j'ai envie de prendre en compte et tout. Ou au contraire, que j'ai envie de débattre, de battre en brèche. Donc voilà, je trouve que, bon, les termes de jargon, tu sais que sur cette chaîne, on essaye un petit peu d'éviter. Mais en même temps, je trouve que souvent ça soulève des impensés, ça permet d'avancer. Et voilà, et moi le wiki c'est vraiment génial. À chaque fois que malgré tout je drop un terme de jargon, bah, tu sais que je renvoie toujours vers une définition du wiki en description de la vidéo. Enfin, pour moi, c'est Game Changer, c'est le truc que j'aurais voulu avoir pour débuter. Ça n'existait pas quand j'ai débuté en théorie, quoi. Et j'aurais adoré, j'aurais farmé ce wiki, un truc de fou, quoi. Donc, franchement, go for it, quoi. Ok, c'est pas tout ça. Bon, voilà, on a vu comment on peut un peu découvrir la théorie. Maintenant, on va en faire nous-mêmes. Eh ben ouais, c'est possible. De toute façon, quelque part, dès que tu commences à fixer ce jour, tu fais de la théorie. T'as pas besoin d'un bagage, d'avoir lu 50 000 articles et tout, d'être conformé à une doxa. Non, non, pas du tout. Tout le monde est légitime pour réfléchir sur sa propre pratique. Alors, comment s'y mettre? Eh bien, tu peux faire un article, une petite vidéo, un podcast qui va, par exemple, tu peux dire, je vais vulgariser un mot. Il y a un terme technique que je trouve qu'il est pas très bien expliqué et tout, ou en tout cas moi je l'ai pas expliqué à ma façon, donc voilà, je vais faire un contenu qui parle de ce terme et qui développe la notion. Tu peux compléter le wiki nonobstant, s'il te plaît, complète le wiki nonobstant pour qu'on ait encore plus de définitions. Voilà, ce serait vraiment bien que la communauté autour du wiki grandisse encore plus, que le truc se complète, puis qu'on ait un petit peu des contributeurs tristes d'horizons différents pour vraiment intégrer toute la diversité des mondes rôlistes, des idées, des concepts. Tu peux récupérer des articles non francophones et les traduire, bon, mais évidemment avec l'autorisation de l'auteuriste, quoi. Ça, c'est toujours bienvenu. Tu peux aussi parler de ta propre expérience du jeu de rôle, par exemple sous format blog, sous format vlog. Voilà, ça intéresse tout le monde en fait. Ta propre expérience du jeu de rôle peut intéresser des gens, il n'y a pas de souci. Tu peux faire, voilà, tu peux faire un article, tu t'interroges sur un mot, sur un concept. On a parlé des podcasts, tu peux aussi faire des tables rondes. Tu dis, je ne vais pas mettre toute seule sur un sujet. Je me pose une question sur un sujet et je vais inviter des copains et puis on va en parler ensemble, quoi. Voilà. Tu peux, pourquoi pas, interviewer des pratiquants, pratiquants du jeu de rôle. J'aime beaucoup la méthode de Valentin qui est, tu commences par demander à la personne, c'est quoi ta définition du jeu de rôle? La personne va dire, le jeu de rôle, c'est passer un bon moment avec des amis à lancer des dés. Tu vois, je te prends une personne qui est vraiment pas en mode méga réflexion, quoi. Et ok, et ben là, tu vois, les mots, tu vas lui demander de définir ces mots. C'est ok. C'est quoi un bon moment? Donc, la personne va dérouler, c'est elle voit comme étant un bon moment dans le cadre d'une partie de jeu de rôle. Les dés, tiens, tu m'as parlé des dés, pourquoi c'est important les dés pour toi? Jouer avec des amis, pourquoi c'est important pour toi de jouer avec des amis et pas avec des inconnus par exemple? Et voilà, et puis à chaque fois tu vas amener la personne à développer son propos et tu vas te rendre compte que bah, n'importe qui et son chien. En fait, dans sa tête, une espèce de corpus, de vision du jeu de rôle. Et c'est intéressant d'analyser ça et tout. Voilà, tu peux étudier les actuels pièces, tu vas regarder les actuels pièces, tu vas essayer de comprendre comment ils jouent et tout. Ah ouais, tu peux produire des comptes rendus de partie et puis les commenter, dire voilà, ma partie s'est passée comme ci, comme ça, et voilà ce que j'en déduis au sujet de la partie, au sujet voilà, du jeu de rôle plus globalement. Sur ce, eh bien, je te fais des bisous, mets des commentaires, rejoins l'église de judrologie. Mouah. Les golems ne sont pas prêts. Je répète, les golems ne sont pas prêts.